la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête. Notre Père qui est aux cieux, restez-y, et nous nous resterons sur la terre, qui quelquefois si jolie. Avec ces mystères de New York et ces mystères de Paris, qui valent bien celui de la Trinité, avec son petit canal et sa grande muraille de Chine et sa rivière de Morlaix. Je suis en train de chanter du Jacques Prévert. Il n'avait peur de personne, il n'avait peur de rien. Mais un matin, un beau matin, il croit avoir quelque chose. Il dit ce n'est rien. Il avait raison. Avec sa raison, sans nul doute, ce n'était rien. Mais le matin, ce même matin, il croit entendre quelqu'un. Et il ouvrit la porte, il la referma en disant « Personne !» Et il avait raison. Avec sa raison, sans nul doute, parce qu'il n'y avait personne. Mais soudain, il eut peur, et il comprit qu'il était seul, mais qu'il n'était pas tout seul. Et c'est alors que lui, rien en personne devant lui. Oh, Jacques Prévert, des fois il avait fumé. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour se visiter jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. Oui, mais la fourmi n'est pas prêteuse, et c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Eh bien, vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Dansez maintenant. C'est pas mal ça. La cigale ayant tiens, je vais le frein. C'est la cigale. La cigale ayant chanté tout l'été. Ah ça y est, trouvé. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine. La cigale et la fourmi ne sont pas vraiment amis. Et la fourmi ne sont pas vraiment amis. La cigale et la fourmi ne sont pas vraiment amis. La cigale et la fourmi ne sont pas. La cigale et la fourmi je vais recommencer. I restart the song. Ladies and gentlemen, this night I want to sing the French song. Jean de La Fontaine, la cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi ne sont pas vraiment amis. La cigale et la fourmi ne sont pas vraiment amis. Ladies and gentlemen, Mr. Lix Italy. La cigale et la fourmi ne sont pas vraiment amis. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue. La bise fut venue, pas un seul petit morceau au vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine. La cigale et la fourmi ne sont pas vraiment amis. La cigale et la fourmi ne sont pas. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Jusqu'à la saison nouvelle, je vous paierai, lui dit-elle. Avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. La cigale et la fourmi. Eh ouais. Ça? La cigale et la fourmi ne sont pas vraiment amis. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous pourtant chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Ah, vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant, allez! La cigale et la fourmi ne sont pas vraiment amis. Come on! La cigale et la fourmi ne sont pas vraiment amis. And gentlemen, Mr. Massimo au piano. Elix au saxophone. Il s'appelle Si, de l'Ukraine. Il est venu d'Israël, il s'appelle Simon. Aux percussions, Norway Polka Dot. Yes. Bravo les gars, bravo. Mmh. La cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi ne sont pas vraiment amis. La cigale et la fourmi ne sont pas vraiment amis. J'ai chanté vos déplaises. J'en suis fort aise. Et bien danser maintenant. Oh. Et bien danser maintenant. La cigale et la fourmi ne sont pas vraiment amis. C'est la cigale et la fourmi de Ch... Jean de la Fontaine. Vous connaissez Jean de la Fontaine? Est-ce que vous connaissez la cigale, Jean de la Fontaine? Le bon tuning. Thank you. connais pas cette chanson. C'est quoi ça? What's the name? blessing. Oh, ok, c'est pas, ça va. But I'm green. I'm a world. What's up? Bon, d'accord. I try to find. Could you play this? Elle est partie, Massimo. Could you play this song? Ah merde, 70. Yes, George Michael. Try. You want the all the song? I start to measure one. Silver screen, and I'll say goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet, I've got no rhythm. But is it to pretend? I know you know the fool. I should have known better than a cheater friend. And what's the chance I've been given? So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, it's very nice. Pourquoi j'ai pas un piano là? Thank you. It's very nice. Oh, oh yeah, yeah. Du Costa Rica, de demeure. Massimo au piano et à la guitare Sepsi de l'Ukraine. Qui c'est qui chante avec moi? I'm never gonna dance again. Get the feel I've got no rhythm. But it's easy to pretend. I know you know the fool. I should have known it better like a cheat friend. It was the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. C'est comme moi. Vous avez aimé George Michael. Moi, je peux dire que j'ai beaucoup aimé George Michael. J'adorais sa voix. C'était un mec bien. C'est dommage qu'il soit parti si tôt. Merci Massimo pour cette surprise. Coldplay, you know a Coldplay song? Oh, oh, oh, oh. Everyone says to find another way. Where's that gonna die? Passe à la, passe à la. C'est ça qui est, c'est que j'aime bien. Ah, vive à la vida! I used to c'est là. Viva la vida. Tin, tin, tin, c'est quoi ça? Tin, tin, tin. Tempo, c'est quoi le tempo? Albano, ah ouais. Felicita. Felicita. Ah, je connais ça. Felicita. Felicita. C'est pas très bon en italien. Felicità! C'è qua felicità? Felicità è tenersi per mano, andare lontano, la felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. Felicità! Felicità! Felicità! Felicità! Felicità! Felicità, felicità, c'est fort. Felicità, Albano, felicità, felicità. Oh, putain, c'est dur, c'est dur. Felicità, eternersi per me, andare lontano, la felicità. Je suis pas bon en italien, je suis désolé. Felicità, eternissima per mano, andare lontano. Felicità, e tu sei organo cassante, messo l'argento. Felicità, e resta versi in coma, menina. Felicità, felicità. Tempo. Felicità tempo, je sais pas ce que c'est. Felicità tempo. 108. Attends, 108 c'est 108. Ouais ou 100. Merde. Attends. Je crois que c'est j'arrive pas à mettre 108. Pourquoi on peut pas mettre 108? Felicità, ah, tu as c'est un peu plus vite. Felicità. Felicità. Je ne peux pas monter. Ah ouais. Bon ben 100. Felicità, felicità. Felicità. C'était beau ça, j'étais jeune. Non. felicità. Felicità, e tennis per me non andrò lontano la felicità, i tuoi rose gardo non senti nel mezzo la gente la felicità, e raste vicini con mamma la felicità, felicità, in cui si plume acqua del plume se passa e la pioggia si sente chi è per te la felicità. E un passare lussi impara a far sera la felicità, felicità, na na na na. Try drum. Looking for a drum. Just a minute. There's a little problem. Attends, il est en train de mettre un drum, mais ça rame.